بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va lire aujourd'hui, c'est la partie 14 dans la lecture des fatwas du livre du Cheikh Al-Fawzan Al-Ijabat Al-Muhimma fi Al-Mashakil Al-Mulimma. Et aujourd'hui le point dont on va lire le sujet, c'est Al-Hakimiyya والموالات ومظاهرة الكفار. الحاكمية حاكمية والموالات ومظاهرة الكفار. Qu'est-ce que ça veut dire الحاكمية؟ الحاكمية ça veut dire يعني le fait que le jugement appartient à Allah seul. Et الموالات ça veut dire le fait de prendre pour allié. Et مظاهرة الكفار ça veut dire de défendre les, de prendre le support des koufars, ou de défendre les koufars, ou de prendre l'aide des koufars. Donc qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là dans les fatwas de Cheikh Al-Fawzan? السؤال أو السائل يقول قسم العلماء رحمهم الله الكفر العملي إلى قسمين أكبر وأصغر. سؤالي هل الحكم بغير ما أنزل الله من الأصغر أم من الأكبر؟ وما الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هذه مسألة واضحة مبينة في كلام أهل العلم والأئمة. إن من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد جواز ذلك، أو أنه أحسن من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أنه مخير إن شاء حكم بحكم الله وإن شاء حكم بغيره هذا كافر بالإجماع. Donc on va commencer à lire cette partie de la réponse. Une personne a posé la question au Cheikh Al-Fawzan que les ulama ont divisé le kufr amali en deux catégories. Parmi les catégories de kufr, on sait qu'il y a le kufr amali et le kufr al-i'tiqadi. الكفر العملي هي الكفر الاعتقادي. Donc ici la personne, c'est-à-dire le kufr al-amali c'est le kufr dans les actions, puis le kufr al-i'tiqadi c'est le kufr dans la croyance. Donc ici la personne qui pose la question, elle dit on sait que le kufr qui est dans les actions, il se divise en deux catégories. Il y a le kufr amali qui est akbar et il y a le kufr amali qui est asghar. Ma question est: est-ce que le fait de juger par autre que ce que Allah a révélé, ça fait partie du kufr amali qui est asghar, qui est mineur, ou du kufr amali qui est akbar? Est-ce que ça fait partie du kufr dans les actions qui est mineur ou majeur? Et la question ensuite c'est: quelle est la preuve du Qur'an et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet? Donc, le cheikh il répond, il dit cette question elle est claire et elle est clarifiée dans les paroles des hommes de science et dans les paroles des imams de l'islam. Celui qui juge par autre que ce que Allah a fait révéler, et il croit que ça c'est permis de le faire, ou bien il croit que c'est meilleur que le jugement d'Allah, ou bien que c'est équivalent au jugement d'Allah, ou bien qu'il a le choix, soit qu'il juge par ce que Allah a jugé, ou s'il veut, il juge par autre chose. Il pense que c'est libre, on a la liberté de choix là-dedans. Alors, c'est tous ces cas-là, ça c'est un kafir selon le consensus des savants de l'islam. Toute personne qui rentre dans une de ces catégories-là, il est mécréant, il a quitté l'islam. Hein? Donc, c'est quoi les catégories? La première, c'est celui qui pense que c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah. Ou qui croit que de juger par autre que la loi d'Allah, c'est meilleur que le jugement d'Allah. Ou que c'est équivalent. Ou qu'il a le choix. S'il veut, il juge. S'il ne veut pas, il ne juge pas selon la loi d'Allah. Ça, celui-là, il est kafir selon le consensus des savants de l'islam. أما إذا كان يعتقد أن الواجب الحكم بشرع الله عز وجل وأنه هو الحق وأن حكم غيره باطل ولكن حكم بذلك لأجل رشوة أو لأجل هوى في نفسه في مسألة من المسائل خالف حكم الله متعمدا في مسألة من المسائل لغرض من أغراضه، إما لهوى في نفسه أو لأجل أخذ رشوة أو مداهنة لأحد، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا يخرج إلى الكفر، ولكن لا يخرج إلى الكفر، لأنه يعتقد تحريم ذلك وأنه مخطئ وأنه مخالف، فيكون كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا هو التفصيل في هذه المسألة. Donc le cheikh explique, il dit, en ce qui concerne celui qui croit qu'il est obligatoire de juger par la législation d'Allah et par la loi d'Allah, et que c'est la vérité, de juger par la loi d'Allah c'est la vérité, et de juger par autre que la loi d'Allah c'est le faux, mais il juge par autre que la loi d'Allah à cause d'une rishwa, hein, on lui a donné de l'argent pour qu'il juge par autre que la loi d'Allah. Il a accepté ça à cause d'une passion qui est en lui-même. Il voulait de l'argent. Il a un désir de l'argent. Ou bien à cause d'une rishwa, comme on a dit, ou d'un désir, ou d'une passion, ou des choses de ce genre, il a jugé dans une des questions parmi les questions de manière contradictoire avec ce qui est dans le jugement d'Allah, dans le verdict d'Allah. Alors, il a fait ça pour un intérêt dans la dunya, ou bien une passion qu'il a en lui-même, ou bien pour il s'est fait corrompre, ou bien il a fait ça, pour faire plaisir à quelqu'un. Tout ça, ça fait partie des grands péchés parmi les grands péchés, et ça ne fait pas sortir vers le kufr, hein, parce qu'il croit que c'est quelque chose qui est interdit et qu'il est dans l'erreur et que c'est en contradiction avec, hein, l'islam. Donc dans ce cas-là, ça fait partie des grands péchés parmi les kaba'ir, hein. Et ça, c'est le détail à ce sujet-là. Et puis donc, ça, c'est la fin de cette fatwa. Et il y a des gens aujourd'hui à notre époque qui font le takfir des dirigeants parfois. Pourquoi? Parce que ils ont mal compris les paroles des ulama dans certains livres ou dans certains passages. Ils se sont basés sur des citations ou des passages où les ulama expliquaient les règles de manière générale sans détailler ou sans spécifier. Et donc ils ont pris ces paroles-là sans retourner aux autres paroles des ulama où il y a des détails et des clarifications plus spécifiques sur ces questions-là. Et donc eux, ils se limitent uniquement sur des questions ou des réponses des ulama qui sont générales, sans retourner aux détails et aux choses spécifiques. Et c'est pour ça souvent que ils tombent dans l'erreur à ce sujet-là, parce que par la suite ça devient une passion chez eux. Ça devient une passion dans le sens que ils cherchent uniquement à prendre les paroles des ulama qui sont en accord avec ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent. Et il rejette toute parole des ulama qui contredit ce qu'il croit. Et donc, il tombe dans la fitna des khawarij, dans le takfir. Donc, il y a une autre question aussi qui a été posée au cheikh à ce sujet-là. As-su'al, mata yuhkamu ala al-hakim bi kufrihi wa mata yukhraju alayhi. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on juge qu'un dirigeant a mécru, il a quitté la foi, et quand est-ce qu'on peut se rebeller contre lui? Donc, quand est-ce qu'on peut prendre les armes contre lui? Al-Jawab, yuhkamu alayhi bil kufri idha fa'ala ridda bi an fa'ala naqidan min nawaqid al-islam kash-shirk billah idha da'a ghayra Allah wa idha dhabaha li ghayri Allah idha hakama bi ghayri ma anzala Allah yara annahu ahsan min hukm Allah أو أنه مساو لحكم الله أو أنه مخير بين أن يحكم بالقانون أو بالشريعة، هذا أصبح كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الذين يأتون في آخر الزمان ويسيئون في أعمالهم قال في تصرفاتهم ويظلمون الناس قالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله قال لا ما أقام فيكم الصلاة لأن في الخروج عليهم أشد مما هم واقعون فيه من الخطأ والخلل أو ويحصل مضرة أكبر من الصبر على أذاهم الصبر على أذاهم مضرة بلا شك ولكن ما يترتب على الخروج عليهم أشد من نقض عصا الطاعة وتفريق كلمة المسلمين وتسلط الكفار على المسلمين هذا أشد من الصبر على ظلم الوالي الظالم أو الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر. Donc le cheikh il dit, il répond donc quand est-ce qu'on dit qu'un dirigeant est mécréant et quand est-ce qu'on peut se rebeller contre lui. Il explique le cheikh, il répond, il dit, on dit qu'un dirigeant il est kafir lorsqu'il fait un acte d'apostasie, c'est-à-dire lorsqu'il fait un acte qui vient en opposition et qui vient annuler son islam. Parmi les choses qu'on appelle nawaqid al-islam. Comme le shirk, il fait le shirk avec Allah, il invoque d'autres en dehors d'Allah, il sacrifie des animaux pour autre que Allah, ou bien il juge par autre que Allah en considérant que c'est meilleur que le jugement d'Allah, ou bien que c'est équivalent au jugement d'Allah, ou bien que c'est quelque chose dans lequel il a le choix. Il peut juger soit avec les droits ou les lois faites par l'homme, ou par la charia, il pense que les deux c'est pareil. Si c'est dans ces cas-là, alors il est devenu mécréant dans ce cas-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé à propos des dirigeants qui vont venir à la fin des temps, qui vont avoir des mauvaises actions, et qui vont mal agir, et qui vont faire de l'injustice envers les hommes, ils lui ont demandé, ne devons-nous pas les combattre aux messagers d'Allah lorsqu'ils font ça? Il a dit, non, tant qu'ils ont établi la salat parmi vous. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prendre les armes contre eux quand ils font de l'injustice et quand ils font du mal et quand ils font des péchés. Parce que le mal qui vient du fait de se rebeller contre eux est plus grand que le mal qu'ils font eux-mêmes. Hein, comme les erreurs et les fautes et les péchés qu'ils ont. Ça, le fait de se rebeller contre eux, c'est un mal plus grand que le fait d'endurer le mal qu'ils font. Le fait d'endurer le mal qu'ils font, c'est sûr que c'est quelque chose qui est nuisible, il n'y a pas de doute. Mais les conséquences de la rébellion et de la révolte contre le dirigeant sont plus graves. Hein, du fait qu'on détruit l'autorité du dirigeant, on divise la parole des musulmans, on permet aux koufars d'avoir le dessus sur les musulmans. Tout ça, c'est plus dur et c'est plus grave que le fait d'endurer l'injustice du dirigeant qui est injuste ou qui est pécheur, hein, et tant que, bien entendu, ce péché-là n'a pas atteint le degré du kufr, hein, tant qu'il n'est pas sorti de l'islam. السؤال هل ثمة محذور من تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام بحيث يكون القسم الرابع توحيد الحاكمية؟ إذا أسكن مال لفد rajouter une quatrième catégorie au tawhid, hein, et de dire qu'il y a une quatrième catégorie qu'on appelle tawhid al-hakimiyya, parce qu'on sait que le tawhid, on dit il y a trois catégories: tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya et tawhid al-asma'i wa sifat. Il y a une catégorie d'individus qui ont ramené une quatrième. Ils l'appellent tawhid al-hakimiyya. Hein? Donc ils ont demandé au cheikh, est-ce qu'il y a quelque chose de mal de dire une quatrième catégorie, tawhid al-hakimiyya? Le cheikh al-Fawzani il répond. Il dit: "Hadha alladhi nuhadhdhirukum minhu shay'un ma qalahu as-salaf." لا تقولوا به أبدا الحاكمية يا أخي داخلة في توحيد الألوهية ومن العلماء من يقول أنها داخلة في توحيد الربوبية فهي داخلة في الأقسام الثلاثة ولم يفردها أحد من العلماء إنما أفردها حزبيون يريدون نصرة مذهبهم وحزبهم فنحن لا نعبأ بهم نقول ما قاله علماؤنا وسلفنا الصالح ولا نزيد شيئا من عندنا. Donc ils ont posé la question au cheikh. Donc est-ce qu'on doit rajouter la quatrième catégorie de tawhid al-hakimiyya? Le cheikh il répond, il dit c'est de ça qu'on vous a averti. Quelque chose que les salafs n'ont jamais dit. Alors vous ne devez jamais le dire vous aussi. Hein? Al-hakimiyya, oh mon frère, ça rentre dans tawhid al-uluhiyya. Ça rentre dans le tawhid, dans l'adoration. Parce que quand tu juges selon la loi d'Allah, tu adores Allah. Et il y en a des ulama aussi qui l'ont également entré dans tawhid al-rububiyya, puisque le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers, ça fait partie de al-rububiyya, puisqu'il n'y a rien qui peut aller contre son décret dans l'univers. Donc ça rentre aussi dans tawhid al-rububiyya. Donc ça rentre dans les trois catégories de tawhid dont on a parlé plus tôt. Et personne n'en a fait une catégorie spécifique, individuelle, parmi les ulama. Mais c'est uniquement des gens qui font partie de certains partis, de groupes islamiques, qui ont voulu défendre leur groupe et leur parti, qui ont ramené cette catégorie-là, et ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que faisaient nos salafus salih. Donc il dit, nous, on ne doit pas donner aucune importance à ce qu'ils disent, hein, ces gens-là. Et on reste sur ce que nos savants et nos salafus salih ont dit, et on ne rajoute rien de nous-mêmes. On ne rajoute rien de nous-mêmes. Donc ça, c'est la parole du Cheikh Al-Fawzan, hein, rahimahullah, hafizahullah wa rahimahullah, à propos de cette question-là. Et justement, par rapport à ce qu'il dit le Cheikh Al-Fawzan, ça, c'est les Hizbiyoun qui ont ramené cette catégorie de soi-disant tawhid. Pourquoi ? Pour se concentrer sur le takfir des dirigeants. Donc, ils ont vu que les trois catégories de tawhid, pour eux, c'est trop général, ça ne leur permet pas de se concentrer sur l'aspect de la politique. Donc, ils ont ramené cette catégorie pour eux, qui est tawhid al-hakimiyya, comme ils l'appellent, pour se concentrer sur la politique et sur le fait de déclarer les dirigeants kuffar, puis pour appeler à la rébellion et à la révolte. Donc c'est ça ce qu'ils ont ramené, et c'est pour ça qu'ils l'ont ramené, cette catégorie-là. Aucun des ulama, des salafs ne les ont précédés à ça. Hein? Puis il y en a par la suite, bon, peut-être que le cheikh il va en parler plus tard. On va lire une dernière fatwa, puis après on commence notre cours. Le cheikh il dit, السؤال دكتور يدرسنا في الجامعة مادة العقيدة يقول إن السلف قد قسموا التوحيد إلى قسمين وأدخلوا توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية فلما احتيج إلى بيان الأسماء والصفات أفرد كنوع ثالث. الجواب هذا صحيح، إن الأسماء والصفات من توحيد الربوبية إنما أفردت لما حصل فيها الكلام والجدال أفردوها وصارت نوعا ثالثا، ولذلك من العلماء من يقول التوحيد نوعان، توحيد في الطلب والقصد، وهذا توحيد الألوهية، وتوحيد في المعرفة والإثبات، وهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات. Donc, ils ont posé la question, il y a un docteur qui nous enseigne à la Jami'a le sujet de l'aqidah. Et il dit que les salafs, ils ont divisé le tawhid en deux catégories, et ils ont fait rentrer tawhid al-asma wa sifat dans tawhid al-rububiyya. Et lorsque on a eu le besoin de clarifier les noms et les attributs d'Allah, on en a fait une troisième catégorie séparée. La réponse, le cheikh il dit, ça c'est correct, ça c'est vrai. C'est-à-dire que le tawhid des noms et des attributs d'Allah, ça fait partie du tawhid de la souveraineté. Et il a uniquement été mis dans une catégorie à part et individuelle lorsque les gens ont commencé à disputer et argumenter et à parler avec la philosophie pour essayer de décrire Allah subhanahu wa ta'ala sans se baser sur la révélation. Donc là, ils ont ramené une troisième catégorie, c'est catégorie de tawhid ou l'asma ou sifat. C'est pour ça qu'à la base, les ulama, ils divisaient le tawhid en deux catégories seulement. Hein? Tawhid al-Rububiya ou Tawhid al-Uluhiya. Hein? Tawhid al-Rububiya, il l'appelait Tawhid fi talabi wal-qasd. Talabi wal-qasd, ça c'est Tawhid al-Uluhiya. Et Tawhid al-Ma'rifa wal-Ithbat, ça c'est al-Rububiya wal-Asma wal-Sifat. Al-Ma'rifa wal-Ithbat. Il l'appelle, donc il y avait deux catégories. Talab wal-Qasd, ça c'est Tawhid al-Talab wal-Qasd. Ça, c'est tawhid, ça signifie Tawhid al-Uluhiya. Et l'autre catégorie, c'est Tawhid al-Ma'rifa wal-Ithbat. La connaissance et de l'affirmation. C'est Tawhid al-Rububiya et Tawhid al-Asma al-Sifat. Donc, dans Tawhid al-Ma'rifa wal-Ithbat, il y a deux catégories. Il y a Tawhid al-Rububiya et al-Asma al-Sifat. Tandis que l'autre catégorie qui est Tawhid al-Uluhiya, on l'appelle également توحيد الطلب والقصد d'accord نعم والنتيجة ok bon on va lire l'autre question parce que c'est relié وتكملة السؤال والنتيجة التي رتب عليها الدكتور هذا الكلام قال أنه لا حرج علينا أن نأتي الآن ليفرد توحيد الحاكمية نوعا رابعا لشدة الحاجة إليه الجواب توحيد الحاكمية لا يفرد وما أفرده السلف ولا أفرده العلماء لأنه داخل في توحيد الألوهية وبعضهم يقول داخل في توحيد الربوبية والصحيح أنه داخل في الاثنين في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أما أنه يجعل قسما مستقلا هذا ابتداع ما قال به علماء هذه الأمة إنما قاله بعض الحركيون الذين ليسوا بحجة لأنهم يهتمون به فقط لا يهتمون بتوحيد العبادة. Donc la suite de la question c'est quoi? Étant donné que ce docteur là avait dit que au début c'était le tawhid était uniquement divisé en deux, puis quand il y a eu un besoin de clarifier à l'asma au sifat, ils en ont fait une troisième catégorie séparée. Donc, ce même docteur a dit par la suite, donc, il n'y a pas de mal maintenant de ramener une catégorie séparée, de faire Tawhid al-Hakimiyya, hein, et d'en faire une quatrième, à cause du grand besoin qui existe à notre époque actuellement, de parler de al-Hakimiyya, c'est-à-dire que on doit juger selon la législation d'Allah et la loi d'Allah et la charia d'Allah, ainsi de suite. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il répond, il dit, Tawhid al-Hakimiyya, on ne peut pas en faire une catégorie séparée. Les salafs n'en ont pas fait une catégorie séparée, ni les ulama. Et Tawhid al-Hakimiyya, il dit ça fait partie de Tawhid al-Uluhiyya, et certains ont dit que ça rentre dans Tawhid al-Rububiyya. Et la position correcte, c'est que ça rentre dans les deux. Ça rentre dans al-Rububiyya et dans Tawhid al-Uluhiyya. Mais d'en faire une catégorie séparée, individuelle, ça c'est une innovation. Il dit ça c'est une innovation, aucun des ulama de notre Ummah n'a dit ça. C'est uniquement certains parties, des gens qui font partie des groupes et des partis islamistes aujourd'hui qui ont fait ça. Et ils ne sont pas une référence, ils ne sont pas une preuve. Parce qu'ils ne se concentrent que sur ça. Ils ne se concentrent et ils ne s'intéressent pas du tout au tawhid dans l'adoration. D'accord? Donc on va arrêter ici et puis on continuera demain, Inch'Allah, pour lire d'autres fatwas sur ces questions-là, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayhi.